Elle a mis son costume, un deux pièces en pocha. C'est l'habit du dimanche, attention aux comanches. C'est pas les plus dangereux, peuple indien, les mayas cherchent aussi des fourrures qu'ils accrochent au totem. Je suis la mouillette, au sourire qui inquiète. J'en ai marre de la minette qui ronronne sous ta couette. Elle se lime les ongles sur le bord des moquettes. Elle se prend pour une bombe sexuelle prétentieuse. Et tu l'achètes toi, tu lui donnes ton amour. Comme si je n'existais pas, comme si je n'étais pas là. Au sourire qui inquiète, j'en ai marre de la minette qui ronronne sous ta couette. Je suis la mouillette, au sourire qui inquiète. J'en ai marre de la minette qui ronronne sous ta couette. Comme les aristochats, j'ai plus qu'à faire la manche avec mon petit chapeau. J'en ai marre de ta minette qui ronronne sous ta couette.